quelques pas d'un bâtiment en ruine, et à quelques pas de plus de l'alias Snowdin, et à quelques pas de son centre-ville, il y a des squelettes qui me faisaient bien rire. Il y a de la neige, une auberge et un pub tranquille. Il y a des monstres et un loup qui lance des blocs de glace. À quelques pas des ruines, il y a Snowdin. Il y a des squelettes qui me faisaient bien rire. C'était bien fun. C'était bien fun. À quelques pas des ruines, il y a Snowdin. Il y a une auberge qui te loge pour gratuit. Il y a un magasin et une bibliothèque où tu pourras tout savoir sur ceux qui vivent. Il y a un peu tranquille, il y a des monstres et un loup qui lance des blocs de glace. C'était bien fun. C'était bien fun. C'était bien fun. Et bien en paix. Ici à Snowdin. No.